pied. Tout a changé depuis l'époque du franc. J'te le dis en toute franchise. J'emmerde l'État gouverné par un haramis fasciste. J'perds pas mon temps à clasher les MC. J'préfère parler de la Palestine. J'ai de l'estime pour les victimes de missiles. Ici, c'est le 6-9 et le 1-3. On m'a dit le monde est à toi. Aucune sortie sur les tatouages. Pas de regret, immigré, intégré. Le progrès assuré depuis que les miens m'ont dit tu restes vrai. Véritable problème, alors comme tandem. Je pèse la France et Marine Le Pen jusqu'à ce qu'elle m'aime. On reste les mêmes. Sarko, de quoi tu te mêles? Tu peux trouver la haine que je ressens pour toi, l'assassin. La France va mal, alors j'en parle avec les crews. AK-47, Elzen, TPS, DJ, tout. C'est Lorenzo, on rappe de Marseille à Lyon. Tous les mêmes problèmes à cause de Matignon. Je suis le sang de mes aînés coulés pour que je puisse parler. On n'a pas tous la chance de circuler sur un sol carrelé. Venu au monde dans un pays qui n'est pas le mien. On dit qu'ici les gens se torchent le cul, ne se lavent pas les mains. Pour nos anciens qui parlaient de mère patrie, on subit leur système, renferme la haine dans ma poitrine. Tu m'as laissé la parole, je donne juste mon avis. Quand la prof d'histoire arbore fièrement son étoile de David. Pays des droits de l'homme, la France n'est pas une référence. On vit dans un état qui affiche clairement ses préférences. Alors je porte le drapeau pour montrer mon appartenance. Écris des couplets avec une certaine dose d'impertinence. République sioniste qui n'a que la justice pour chantage. Ils se mentent sur les chiffres et trafiquent les pourcentages. Où François ne fait qu'un pas, j'en fais trois comme Mohamed. Je me sens obligé de raconter nos vies avec des mots amers. J'suis trop direct, t'es mec, mais v'là du violent. Delsen, un MC trop insolent. La France n'accepte pas mon épiderme nigre. J'insulte Hexagone, nous on habite là. Et ouais, toujours en vie, j'traîne toujours en vie. Bouffer leur système, j'en ai toujours envie. Ben ouais, on est nombreux et même un peu trop nerveux depuis l'époque des fils de pute. La haine est dans leurs yeux. Sarko, rien ne change, même avec Tati. Toujours les mêmes personnes, squat les mêmes tactiques. Toujours la même tactique, l'immigration sur le tapis. De vos discours, on n'en voit pas la moindre sympathie. Sarko, tu veux nous briser, c'est ça, tu veux nous briser, ça. Sarko, sache tu pourras jamais nous briser. Mais drôle de terre où on a atterri. Des enfants terribles, pression, agression pour ne pas être une cible. Sensible, ça fait un moment qu'on l'est plus. À leur discours, connaissant déjà les traquenards de leur basse-cour. Une vie si courte, passant le plus clair de son temps à se battre. Pour protéger les descendants qui s'adaptent à ce monde, qui préfère la carotte au rap. Et qui ne veulent rien changer à ce merdier qui dérape. Écoute, la boucle tourne comme le président autour du monde. Le beat claque comme le CRS dans une manie. Noir de monde, le cri va plus sur les nationalistes de surcroît. Et si je jette cette pierre, c'est parce qu'ils veulent m'imposer la croix. On n'a plus le droit d'avoir faim ou d'avoir froid. Y'a toujours des SDF et je t'assure qu'ils meurent encore de froid. Le même refrain se répète, tous en cœur et de vive voix. Oh les gars, on les voit, on vous attend, on est déjà en bas. Pour nous c'est plus le temps de chuchoter. Quand je vois le présent, je pense au futur et je suis choqué. On revendique en musique, c'est comme ça qu'on procède. Pour se faire entendre au final, y'a que ça qu'on procède. En mode opprimé, mais promis pas déprimé. Les visions d'égalité sociale, on les a supprimées. Les émissions de TF1 se cachérisent. On reste fort armé, attendant que Nico nous clarchérise. C'est la guerre, des humains perdent la vie en Palestine. Pendant que l'État français desserre les fesses et se travestit. Surtaxé, donc c'est chaud pour se surpasser. Comme d'hab, avec l'impression d'avoir les poches percées. Où sont passés nos droits, en tout cas dans la loi. Autant tous dans la merde, on n'a pas grandi dans la soie. Au pouvoir pour moi, trop d'excès d'elle. Donc moi perso j'assois Sarkozy sur la tour Eiffel.